Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle interview de développeurs, ou plutôt de développeuses françaises de jeux vidéo, puisqu'aujourd'hui j'accueille Marie-Anaï. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, un peu mal aux jambes, mais ça va. Oui, parce que tu es debout depuis 9h30, depuis l'ouverture, à présenter N-Seeker, c'est ton jeu, de Mad Studio Game, c'est ça ? Ou Mad Game Studio, j'ai peut-être inversé les deux. Non, c'est bien Mad Studio Game. Alors justement, c'est quoi Mad Studio Game ? Alors du coup, c'est mon studio, pour l'instant je suis toute seule dedans. On va voir comment ça évolue, si j'ai de l'argent, donnez-moi de l'argent, comme ça je pourrai embaucher du monde. Et comme ça je pourrai faire plus de jeux et de meilleurs jeux, voilà. Et comme premier jeu, bah, y a N-Seeker, du coup, qu'est-ce que c'est que N-Seeker ? Alors du coup, c'est un Die and Retry infiltration, où on joue un petit chat trop mignon et tout, mais en fait on est dans le purgatoire, c'est-à-dire qu'on est déjà mort. Et au début du jeu, on arrive, il y a notre père qui nous parle, qui fait bah, « t'es ici, je suis là aussi, viens me rejoindre » et on se casse d'ici. Okay. Et comme globalement, bah, vous avez un peu que ça à foutre, vous y allez. Donc du coup, vous avez 9 salles à passer, mais il y a des gardiens qui sont là. Il ne faut pas qu'ils vous voient, sinon vous recommencez du coup, depuis le début. C'est un jeu sans checkpoint, donc du coup, il faut tout faire d'une traite. Et c'est très dur parce que j'ai eu l'occasion de le tester, effectivement, on doit tout faire d'une traite. Donc grosso modo, la particularité d'N-Seeker, c'est, comme tu l'as dit, un personnage qui doit éviter des lumières. Comment on fait pour équilibrer justement ce type de jeu ? C'est très compliqué. Donc du coup, j'ai besoin d'énormément de retours. La difficulté est crescendo. Donc en fait, les premières salles, elles sont moins compliquées à faire parce que on met moins de gardiens, il y a plus de chemins possibles, etc. Mais plus on avance, plus il faut quand même laisser un chemin. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. C'est comment est-ce qu'on laisse un chemin ? Comment est-ce que les joueurs puissent le voir ? Bon, il y a toujours de l'équilibrage à faire. Sur le salon, il y avait marqué « casual ». Tout au-dessus de la présentation d'N-Seeker, c'est vraiment un jeu casual du coup, parce que c'est quand même un jeu qui a une assez grosse difficulté, mine de rien, si on s'y investit pas correctement. Alors, oui et non. En fait, j'ai eu, à ma grande surprise, des enfants qui ont joué et qui ont adoré le jeu et qui sont restés. Il y en a même qui sont allés plutôt loin, hein, deux tiers du jeu, enfin voilà. Donc, casual... Oui, non, j'ai peut-être... voilà. Mais en fait, je ne le classerai pas dans vraiment les hardcore. Parce que du coup, en fait, ça fait partie des catégories de Gamerly. Je pense que tu l'expliqueras plus tard ce que c'est, ou tu l'as déjà expliqué. Tu peux l'expliquer si tu veux. D'accord. Donc du coup, Gamerly, c'est une plateforme où on peut retrouver pas mal de jeux. Où on a un peu les pages des jeux, un peu comme sur Steam. Mais là, on va rentrer les liens où on peut retrouver le jeu, les plateformes... s'il est sur Android, sur Switch, sur PC, etc. Et ça permet aux développeurs d'être plus proches de la commu, de mettre des votes, de faire des concours, etc. Et de mettre des quêtes. Par exemple, ça peut être va wishlist le jeu sur Steam, et comme ça, le joueur reçoit aussi des récompenses dans Gamerly, etc. C'est de la gamification pour jouer à des jeux. C'est très intéressant, c'est plutôt sympa, et on peut trouver des jeux à tout stade de développement. Donc en gros, il y a des jeux qui sont sur la plateforme qui sont déjà sortis, comme N-Seeker, ou alors y a des jeux qui sont encore en développement, ou c'est encore des concepts, etc. N-Seeker, c'est quoi pour toi ? C'est un premier projet pour découvrir un peu l'univers du jeu vidéo, peut-être aussi de Steam, ou en tout cas des plateformes pour justement publier ton jeu. Quel est on va dire le but d'N-Seeker dans cette carrière. C'est un premier jeu, donc du coup c'est un peu mon bébé. Mais le but, c'était vraiment d'avoir un jeu à moi, entre guillemets, enfin sorti. En fait, c'était un moyen de me prouver à moi que j'étais capable de faire ça. Parce que étant une femme, c'est un peu compliqué. Okay, voilà, je ne vous fais pas tout le discours, parce que moi aussi je le déteste. Voilà. Et il y a aussi le truc que moi, je me suis, comme beaucoup de devs, en fait, j'ai le syndrome de l'imposteur. Donc, avoir un peu ce truc de « c'est moi qui l'ai fait, je suis trop contente » et tout. Et je ne m'attends pas à gagner des 1000 et des 100, mais avoir de la visibilité, montrer de quoi je suis capable. Il y a d'autres jeux plus ambitieux qui arrivent et des jeux plus casual. Vous inquiétez pas, je ne vais pas rester sur des jeux très durs. Mais voilà, c'était plutôt un jeu pour le fun, et c'était un jeu en fait que j'avais commencé lors d'une game jam Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une game jam, c'est un événement où on construit un jeu. C'est un temps imparti. Donc le début d'Unseeker en fait a été créé en 48 heures. Il y a quelques éléments que j'ai gardés, mais j'ai swipé tout le reste. Le code aussi, je l'ai tout refait. Voilà. Lui, je voulais vraiment le continuer. Donc c'est vraiment ça, c'est continuer quelque chose en fait que je m'étais dit, il faut que je le fasse. Et vraiment un jeu pour le fun, enfin, on va dire. Tu disais qu'il y avait d'autres jeux qui étaient prévus. Tu as déjà des idées après justement Unseeker? Alors ouais, il y a un visual novel qui est en préparation que j'écris avec une amie. Il y a un jeu RPG de gestion qui est aussi en préparation. Il y a le game design qui est fait. Il y a les concept art, une partie des concept art qui a été fait. Et maintenant, il faut juste que je remplisse des dossiers de subventions pour avoir de l'argent, parce que c'est un jeu un peu plus ambitieux. C'est voilà. Sûr. Donc, deux projets à l'état d'avancement quand même assez différenciés. Oui, parce que du coup, celui à RPG gestion, je sais qu'il va se dérouler sur plusieurs années et je vais le faire bloc par bloc, alors que le visual novel, normalement, ça va prendre pas plusieurs années. Okay. Plusieurs mois, peut-être un voire deux ans max, mais ça dépend jusqu'à quel point on va dérouler l'histoire. Eh ben merci beaucoup Marianne Haig pour nous avoir parlé de Unseeker. On peut le retrouver où ? Sur Steam et sur itch.io. Sachez juste que mes artistes sont rémunérés sur les ventes. Elles ont 5% des ventes. Donc pensez aux artistes à acheter le jeu. Elles pourront manger. Merci. Exactement. Wishlist les jeux, c'est très très important pour les développeurs et les développeuses indépendantes. Merci beaucoup en tout cas Marianne Haig. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Indie 500. Rendez-vous demain pour une nouvelle discussion avec un développeur ou une développeuse. À demain.